RQC. Il est 9h. Bien, dans ce froid et cette grisaille ambiante, je suis très heureux de vous retrouver ce 23 janvier pour une nouvelle émission Living in the Past, l'émission durant laquelle on ne se prive pas de se balader dans le passé et de se remémorer quelques souvenirs et s'écouter quelques bons disques de rock et de pop. Alors on a débuté cette émission, ce 16e numéro de Living in the Past avec Be My Baby des Ronettes. Je tiens à vous signaler qu'il y aura peut-être quelques petits soucis techniques car on a quelques problèmes avec notre table de mixage actuellement, mais nos équipes techniques s'affairent pour essayer de résoudre le problème le plus rapidement possible. Au programme aujourd'hui, un focus sur l'album d'Emerson, Lake & Palmer, album éponyme, sorti en 1970. Et nous évoquerons aussi dans notre séquence Le Rock Made in France les débuts de la collaboration entre France Gall et Michel Berger. Mais pour l'heure, un peu d'histoire concernant justement ces Ronettes, un groupe de filles, le groupe de filles par excellence du milieu des années 60 et qui en fit rêver plus d'un grâce à son pouvoir et d'identification sans pareil. Et un des éléments importants de cet énorme succès, c'est le producteur artistique, le bien connu Phil Spector. qui s'est tellement investi dans le succès du groupe qu'il en épousa la principale chanteuse, Ronnie Bennett. Alors, Be My Baby, ce titre sorti en 1963, fut sans conteste leur plus grand succès. Et c'est un titre qui fut d'ailleurs repris par de nombreux artistes dans les années qui ont suivi. J'ai le souvenir notamment d'une version de John Lennon. Et ce titre figura aussi dans la bande son de nombreux films. J'ai le souvenir que ce fut le cas notamment pour Dirty Dancing. Alors Brian Wilson, le leader des Beach Boys, avouera au moment où il composait son chef-d'œuvre Pet Sounds, il confiera avoir écouté ce titre au moins 100 fois pour tenter d'en percer le secret. La recette de ce premier succès des Ronettes fut, dans la foulée d'ailleurs, réutilisée avec bonheur par Phil Spector et le groupe pour un autre titre, Baby, I Love You. Fort de son succès début 1964, ce trio, les Ronettes, décide de se lancer dans une tournée britannique avec un jeune groupe qui débute, les Rolling Stones. Eh oui, en 1963, en Grande-Bretagne, ce pays connaît une explosion musicale sans précédent. Outre l'éclosion de ce groupe, les Rolling Stones, quelques mois auparavant, les Beatles ont aussi débuté une carrière qui allait durer quelques années et devenir la véritable Beatlemania que l'on a connue durant les années 60.

C'était donc les Stones avec leur premier succès « Come On » sorti en 1963. Et à l'époque, les Beatles eux-mêmes furent curieux du succès naissant de cette formation et ils n'hésitèrent pas à se déplacer et à venir les écouter dans un petit club dans lequel ils se produisaient, le Crowd Eddy. Alors si les Beatles ont eu la chance au début de leur carrière de croiser un certain Brian Epstein pour se vendre dans le monde, les Rolling Stones bénéficieront quant à eux d'un agent remarquable en la personne d'Andrew Oldham. Si avec Epstein, les Beatles ont dû gommer l'aspect sauvage et débraillé que leur musique avait encore quand ils se produisaient à Hambourg, Oldham pensait, quant à lui, à juste titre, que pour vendre les Rolling Stones, il fallait faire exactement le contraire, c'est-à-dire forcer le côté insolent et voyou pour toucher un public branché et plus à la page que celui des Beatles. Les débuts des Stones furent tout aussi fulgurants que ceux des Beatles et de manière assez surprenante, après l'immense succès de leur premier 45 tours, ce sont Lennon et McCartney qui vont offrir aux Stones une composition inédite pour leur deuxième 45 tours. Ce sera « I Wanna Be Your Love », sauf que les Stones en graveront une version surexcitée. Les Rolling Stones, « I Wanna Be Your Love ». Bowling.

Eh bien, on clôturait cette petite séquence Oldies avec le célébrissime My Sweet Lord de George Harrison, le titre qui le révéla au début de sa carrière solo, juste après qu'il ait quitté les Beatles. Et à propos de ce titre, on a souvent reproché à George Harrison d'avoir, pour cette chanson, copié le titre des Chiffons, It's So Fine, que nous écoutions juste avant et qui fut l'énorme succès du groupe en 1962. Un peu plus tôt, en 1957, Buddy Holly et ses Crickets interprétaient That Be The Day, que nous avons écouté précédemment. Et pourquoi ce titre? Parce que justement, c'est ce titre qui servira pour le premier enregistrement des Quarrymen. Qui sont les Quarrymen? Eh bien, au sein de cette formation figuraient trois des quatre futurs Beatles. Et juste auparavant, cette séquence débutait avec les Rolling Stones, I Wanna Be Your Man. Et ce fut grâce à cet immense succès, le deuxième 45 tours du groupe, que débuta en 1964 cette tournée nationale en compagnie des Ronettes. J'espère que vous sentez bien notre écoute. Jean-Marie pour vous tenir compagnie jusque midi. Et avant de changer complètement de style et d'univers, je ne voudrais pas manquer l'occasion de vous rappeler notre émission citoyenne prévue ce 25 janvier entre 20h et 22h30 et qui s'intitule « On ne vous a pas tout dit ». Alors, c'est la première de 5 émissions débat qui auront lieu en direct sur les antennes d'RQC et la parole est donnée à tous les citoyens qui sont intéressés par la vie de leur commune et son évolution. Pour rappel, si vous désirez assister à l'émission, vous pouvez confirmer votre présence par mail à l'adresse suivante bonjour@rqc.be. Et maintenant, place à notre rubrique l'album du jour. J'ai choisi aujourd'hui l'album d'Emerson, Lake and Palmer de 1970, qui est un album éponyme. Living in the Past, l'album du jour. Formé en 1969, le trio réunit le claviériste de génie Keith Emerson, le bassiste Greg Lake, un ex-membre de King Crimson, et le batteur Chris Palmer. Les sessions d'enregistrement de ce premier album débuteront en juillet 1970 au studio Edvision de Londres. Sur ce vaste plateau, Keith entasse ses claviers, ses synthétiseurs et ses enceintes acoustiques jusqu'au plafond. Le trio s'en échappera toutefois le temps d'un premier concert au festival de l'île de Wight le samedi 29 août. Pour marquer le coup, il y démarrera sa prestation par des tirs de deux canons disposés de chaque côté de la scène. Et il enchaînera avec un morceau instrumental qui ouvrira d'ailleurs l'album. Ce morceau s'intitule The Barbarian, version rock de l'Allegro Barbaro du compositeur classique Béla Bartók. Eh bien, le trio Emerson, Lake and Palmer, dans son album éponyme de 1970, il dévoilera aussi, à travers un titre comme Take a Pebble, un bel ce qui fait la force du groupe. Il proposera avec ce titre, il propose une diversité de sons d'une grande intensité et qui laisse de la place aussi aux paroles de Greg Lake, à sa voix pure et à sa guitare acoustique. On est parti pour 12 minutes 30 de rock progressif. Take a Pebble, Emerson, Lake and Palmer. Cast it to the sea, then watch the ripples that unfold into me. My face spills so gently into your eyes, disturbing. Your grass, wounded words of laughter, our graveyards of the past, photographs of gray and torn, scattered in your fields, letters. Thank you. sadness on your shoulders, like a worn-out overcoat. In pockets creased and tattered, hang the rags of your hopes. The daybreak is your midnight, the colors have all died. Disturbing the waters of our lives, of our lives, lives, lives, of our lives. Take a Pebble, Emerson, Lake and Palmer. Mais le succès de l'album viendra d'un autre titre, Lucky Man, qui eut une histoire un peu bizarre. Il faut savoir qu'en studio, alors que le trio cherchait un dernier titre pour boucler l'album, Greg Lake s'est souvenu d'une chanson qu'il avait écrite alors qu'il n'avait que 12 ans. Il y était question d'un soldat qui mourait au combat. Et peu convaincu, Kate prit une pause, tandis que Greg enregistra seul sur sa guitare acoustique ce titre. Il y ajoutera ensuite une partie de basse et des harmonies. Carl, qui était revenu au studio, attrapa alors ses baguettes pour l'accompagner. Et quand Kate, de retour, entendit le résultat, il en fut d'ailleurs très impressionné. Et sur la fin du morceau, il décidera d'improviser, du coup, un solo sur son synthétiseur. Pour lui, ce n'était qu'un test, mais les autres l'estimèrent tellement parfait que c'est cette unique prise qui servit pour l'enregistrement de ce Lucky Man. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. People would sing. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. A bullet had found him, his blood ran as he cried. No money could save him, so he lay down and he died. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Living in the past. Du rock made in France. Alors, place maintenant à notre séquence Le rock made in France. Et aujourd'hui, j'ai décidé de nous attarder un peu sur le début de la collaboration entre France Gall et Michel Berger. Ah, je sais, oui, les puristes me diront que ce n'est vraiment pas du rock, et je ne leur donnerai pas totalement tort. Toutefois, Michel Berger, dans ses compositions, à l'instar d'ailleurs de nombreuses vedettes françaises, a été grandement influencé par le courant rock, et il a eu une énorme influence aussi sur l'évolution de la musique francophone. Retrouvons maintenant France Gall au début des années 70, jusque-là cantonnée dans une variété divertissante assez inégale. La véritable France Gall, avec toute sa sensibilité musicale et rythmique qu'on lui connaît, démarra en fait véritablement sa carrière en 1974, lorsque son nouveau compagnon, Michel Berger, qui devint par la suite son mari, a décidé de prendre la direction de ses affaires musicales. Et cela débutera avec la déclaration d'amour. Un autre titre, mais aime-la, en 1974, et cela se poursuivra ensuite avec Comment lui dire en 1975, sur lequel débute l'album éponyme sorti la même année. Voici France Gall, la déclaration d'amour. Je suis seule et que je peux rêver. Je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration. Ma déclaration. Quand je suis seule, que je peux inventer. Que tu es là tout près de moi. Je peux m'imaginer tout bas. Ma déclaration.

seulement RQC sur votre radio. Eh bien, après la pétillante France Gall, retrouvons maintenant un groupe américain, Journey, un groupe de rock progressive qui nous invite à nous plonger dans le futur. Look into the future, c'est la plage titulaire de leur album de 1976. Living in the Past, l'album du jour. Living in the Past. Le rock en balade. Thank you. Après ce superbe titre de Journey, retrouvons maintenant deux années plus tôt, en 1974, les Sparks, un duo californien formé de deux frères Russell et Ron Mael, qui, de manière un peu surprenante, a surtout connu le succès et en Grande-Bretagne et en Europe, où on les a étrangement associés au mouvement glam rock. En 1974, l'époustouflant This Town Ain't Big Enough for Both of Us, que nous allons écouter, est publié en 45 tours et il propulse le groupe à la deuxième place des charts. L'album Kimono My House qui suivra sera acclamé par l'ensemble de la critique européenne qui n'hésitera pas à comparer le groupe à Roxy Music que nous retrouverons ensuite avec A Song for Europe, extrait de l'album Stranded de 1973. Voici les Sparks, This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Zoo time, Ishiya, new time. The mammals are your favorite time. You bet you want it tonight. Heartbeat, increase in heartbeat. You hear the thunder of stampeding rhinos, elephants and tacky tigers. This town ain't big enough for the both of us. We'll be right back. I sit at this empty cafe, thinking of you. I remember all those moments, lost in wonder, that we'll never find again. Though the world is my oyster, it's only a shell full of memories. And here by the Seine, Notre Dame casts a long, lonely shadow. Cities may change, but there always remains my obsession. Through silken waters my gondola glides, and the bridge, it sighs. Oh, C'était donc un extrait de l'album Stranded de 1973, interprété par Roxy Music. Et dans cet album, Brian Ferry se montrait lyrique et romantique, comme dans cette splendide chanson A Song for Europe, qui, vous l'aurez probablement remarqué, est rehaussée par un passage en français. Un passage qui évoque en fait Charles Aznavour, tous ces moments, tous ces enchantements qui ne reviendront jamais, jamais, jamais. Ferry y chante son rêve d'une vie parmi les stars, rendue plus splendide encore par le sentiment de sa décadence dans une décrépitude de soleil couchant. Il se projette en toute sincérité dans ce personnage de millionnaire mélancolique et désabusé, tout droit sorti d'un roman de Scott Fitzgerald ou d'un film hollywoodien. 3 ans plus tard, l'ami Brian reprendra avec succès Let's Stick Together, un morceau avec lequel un bluesman noir quasi inconnu, Wilbert Harrison, avait connu le succès 6 années plus tôt, en 1970, grâce à ce rythme irrésistible et entraînant. Et avec ce titre, il s'était hissé à la 32e place des charts, tirant parti de la vogue du blues à cette époque. La même année, Kenneth Heath, une formation de blues rock bien connue, a eu aussi la bonne idée de reprendre ce titre, mais en transformant, en transformant quelque peu le titre de la chanson, ils en feront Let's Work Together, devenu depuis un standard du blues rock. Let's Work Together, The Kennedys. Allez, bon travail! Together we will stand. How can it be happy without its mom and pappy stick together? Come on, let's stick together. You know we made a vow not to leave one another never. Oh, yeah. C'était donc Wilbur Harrison avec Let's Stick Together, qui un titre que les Cannot Eat avaient aussi arrangé pour en faire Let's Work Together en 1970. Ce Wilbur Harrison, pourtant, quoique assez peu connu, n'était pourtant pas à l'époque un néophyte, puisque déjà durant les années 50, il enregistrait pour de petits labels. Et c'est grâce à l'une de ses sessions, de ses séances à $40, qu'il connut un premier succès, un succès énorme d'ailleurs, en 1959, grâce à la reprise de Kansas City, une chanson composée 7 années plus tôt par un certain Little Willie Littlefield. Le succès fut tellement immédiat que le titre se hissa très rapidement à la première place des charts, grâce notamment au guitariste Wild Spray, qui y interprète un des solos de guitare les plus fantastiques pour l'époque. Kansas City, Wilbur Harrison. Crazy little women there, and I'm gonna get me one. I'm gonna be standing on the corner, 12th Street and Bond. I'm gonna be standing on the corner, 12th Street and Bond, with my Kansas City baby and a bottle of Kansas City wine. If I have to walk, I'm going just the same. Going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. Ah, oh, but you know, yeah, myself. Et après ce titre de Wilbur Harrison, Kansas City, je vous propose de poursuivre notre périple musical à presque 11h20 avec un super groupe qui ne survécut que le temps d'une tournée et d'un album. Et quel album ! Il s'agit du super groupe Blind Faith. Et il faut dire que ce supergroupe était composé de 3 musiciens parmi les plus brillants de l'époque. Il y avait le guitariste Eric Clapton, le batteur Ginger Baker, tous deux originaires de Cream, l'organiste Steve Winwood, transfuge de Traffic, trio auquel est venu se joindre Rick Grace du groupe Family. L'album sorti l'été 1969 devint numéro 1 tant aux États-Unis qu'en Angleterre, alors même que le groupe était déjà dissous. À noter encore à propos de cet album que la pochette du disque a fait polémique à l'époque. En effet, elle représentait une jeune fille impubère au torse nu, tenant un avion joué que la censure vit comme un objet phallique. De ce fait, elle fut interdite en Grande-Bretagne. Bref, ça ne rigolait pas avec les bonnes mœurs à l'époque. Blind Faith, Can't Find My Way Home. Après ce bref retour dans les années 60 avec Blind Faith, Can't Find My Way Home, faisons maintenant un petit bond au début des années 80 et je vous propose de redécouvrir un artiste injustement ignoré du grand public, aussi modeste que prolifique, qui bien avant la vogue pour la world music, à mêler instruments et traditions musicales diverses. J'ai cité David Lindley, un musicien et chanteur californien que je vous propose de retrouver en 1981 sur l'album El Rayo X, un album au fort accent reggae. Il y reprend quelques standards du rock et leur donne une petite touche d'exotisme relativement amusante. Voici dans l'ordre Twist and Shout des Isley Brothers, suivi de Bye Bye Love des Everly Brothers. I'm through with counting. feel like I'm gonna die. Bye-bye, my love and I. Living in the past. Le meilleur du classique. Et on abandonne pas totalement la Rolling Stones avec The Meters et Honky Tonk. Et poursuivre Little Feet on your way down. sunset. Since the beginning, it hasn't changed yet. People fly high, begin to lose sight, 'cause you can't see very clearly when you're in flight. Well, it's high time that you found the same. Wines from the year 62. It's your thing, it's your thing. What pleases you? Love to be found when you cross town. You think it's an honor, girl, just to have you around. You found the same dude. En 1973, Little Feat, un groupe formé en 1970 à Los Angeles et qui a expérimenté de nombreux genres musicaux, sortait un album baptisé Dixie Chicken, un disque à forte coloration New Orleans dont nous venons d'écouter On Your Way Down, un morceau qui met mieux que jamais en valeur la voix pleine de soul de son leader Lowell George et l'intelligence de son jeu de guitare. Et juste avant, il y avait les Matters, un groupe formé en 1967 et qui obtint la consécration quand les Rolling Stones, et oui, encore eux, ils sont présents toute cette matinée, donc quand les Rolling Stones leur offrirent de jouer en première partie de leur tournée américaine. Et en 2001, ils sortaient un album baptisé Kickback, dans lequel figure notamment cette version très funky du standard des Stones, Honky Tonk Woman, que je viens de vous proposer. À noter encore à propos de cette formation qu'elle fut à l'origine d'un rythme funk moite et syncopé qu'elle lança en accompagnant des artistes et des groupes aussi célèbres que Dr. John, Robert Palmer, mais aussi Lowell George et son groupe Little Feats, dont je viens précisément de vous évoquer brièvement la démarche musicale. J'espère que l'ambiance est toujours aussi chaude chez vous. On risque maintenant de faire encore un peu monter le thermomètre avec une petite séquence consacrée à un groupe de glam rock des années 70. Les suites que nous retrouvons de suite avec Barum Blitz. Nous sommes en 1973, après une série de 45 tours de pur bubblegum, les suites suivent la mode glam rock. Et comme les membres de Slade, ils apparaissent alors en combinaison lamée, chaîne et bottes à semelles compensées. Et ils triomphent avec des hymnes primaires et exubérants, comme ce Ballroom Blitz, et encore Blockbuster, qui seront d'énormes succès commerciaux. Les suites. Turn it to a bar. your mind. You better not go, you never know what you'll find. Your woman out from under your nose. Does anyone know the way? Did we hear someone say? We just haven't got a clue what to do. Does anyone know the way? There's got to be a way. To Blockbuster! The cops are out. They're running about. Don't know if they'll ever be able to Blockbuster out. He's gotta be caught. He's gotta be taught. Cause he is more evil than anyone here ever thought. Does anyone know the way? Did we hear someone say? We just haven't got a clue. Does anyone know the way? There's got to be a way. To Blockbuster! Does anyone know the way? Did we hear someone say? We just haven't got a clue what to do. Does anyone know the way? Ah, c'était donc The Baron Blitz et Blockbuster, deux succès commerciaux des Suites, ce fameux groupe de glam rock du début des années 70. Mais la carrière des Suites ne saurait pour autant se résumer à cette période et à une succession de 45 tours commerciaux et formatés, c'est du moins ce qu'ambitionnaient les membres du groupe. Ils voulaient ne pas être seulement reconnus comme un groupe commercial et ils avaient l'ambition d'être respectés à l'égal d'un Deep Purple avec notamment des compositions plus personnelles et originales. Ces efforts seront partiellement récompensés avec la sortie de deux albums et des compositions originales de son guitariste Andy Scott. Il y eut d'abord Sweet Fanny Adams en 1974 et ensuite Desolation Boulevard de 1974 toujours. Pourtant, ce dernier album, Desolation Boulevard, contenait un énorme hit commercial, Fox on the Run. Oh, toujours les suites avec Love is Like Oxygen de 1978. Ce love is like oxygen refermait notre séquence consacrée aujourd'hui à la carrière des Suites. Et je vous propose maintenant de faire un énorme bond dans le temps et de retrouver Sammy Hagar en 2013 dans l'album Sammy Hagar and Friends. C'est ce pilier du hard rock américain, en effet, retrouve à cette époque de vieux potes, dont Neil Sean du groupe Journey que nous avons écouté tout à l'heure, Michael Anthony et Chad Smith. Et l'album qu'ils composent ensemble s'intitule Sammy Hagar and Friends. Et il nous livre dans cet opus cette version très personnelle de Personal Jesus, un titre de Depeche Mode. Living in the past. Mad in rap. Jesus! Certains d'entre nous auront peut-être reconnu la voix d'Izzy Stradlin avec un extrait d'un album, un extrait de l'album Izzy Stradlin and the Juju Hands, le premier album du guitariste depuis son départ de Guns N' Roses. Alors, cet opus est sorti le 13 octobre 1992 et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'artiste s'est radicalement éloigné du style musical des Guns et il a d'ailleurs reconnu l'influence qu'eurent les Rolling Stones et un bluesman comme Muddy Waters pour la création et la composition de cet album. Nous avons écouté l'extrait qui a permis justement à cet album de recevoir un accueil enthousiaste de la presse. C'était le single Shuffle It All qui est largement été diffusé par toutes les radios de l'époque. Et voici maintenant Radio Moscou. She tired as a devil. Vous l'aurez sûrement deviné, Radio Moscow, ce n'est pas un groupe russe, mais un groupe de rock et de blues psychédélique américain formé au début des années 2000, en 2004 pour être tout à fait précis, par le guitariste Parker Griggs. Alors l'histoire de ce groupe est assez cocasse. Et en 2004, lorsque Parker Griggs, alors parolier et batteur du groupe Duke Uncover, décide de s'écarter de celui-ci pour former Garbage Composer. Et quelques temps plus tard, il recrute un bassiste, Serena Anderson, et il change alors le nom du groupe, enfin de ce duo, et celui-ci deviendra alors Radio Moscow. Désormais à deux, ce duo travaille dur et se produit souvent sur scène, mais sans batteur. C'est Parker lui-même qui pré-enregistre les morceaux de batterie et qui les amplifie pour les concerts. Pour la petite histoire, tout au long de son parcours, ce groupe ne parvient d'ailleurs jamais à intégrer en son sein un batteur stable digne de ce nom. Et on retrouve maintenant la formation légendaire Mountain avec un titre extrait de l'album Nantucket Slide Rate de 1971. Mountain. C'était donc la plage titulaire de l'album de 1971, None to Get Sly Great, du groupe Mountain. C'est peut-être, à mon goût, le meilleur album du groupe. Et cette chanson, None to Get Sly Great, est dédiée à un certain Owen Coffin, un jeune marin qui naviguait sur le Nantucket Essex, un baleinier qui fut éperonné et coulé par un cachalot en 1820. Il est passé midi moins le quart et avant de nous quitter, je vous rappelle notre rendez-vous en direct et en public sur les ondes d'RQC. Ce 25 janvier à 20h pour la première des 5 émissions débat sur les questions citoyennes. Ce mercredi, nous aborderons l'économie de notre ville et je compte vous retrouver très nombreux pour participer à cette émission, puisque c'est le public, ce sont les citoyens moucronois qui ont la parole dans cette émission baptisée « On ne vous a pas tout dit ». Pour rappel, merci de confirmer votre présence par mail à l'adresse suivante bonjour@rqc.be. Down from rats on up to riches, 15 minutes you can fly. Pretty blue lights along the way help you ride on by, and the blue lights shining with a heavenly grace help you ride on by. And there ain't no road just like it anywhere I found. Running south on Lakeshore Drive, getting into town. You're just slipping on by on LSD, Friday night trouble bound. And it starts up north in Hollywood, water on the driving side. Concrete mountains wearing up, throwing shadows just about five. Sometimes you can smell the green if your mind is feeling fine. There ain't no finer place to be than running Lakeshore Drive. And there's no peace of mind the place you see riding on Lakeshore Drive. Anywhere I found, running south on Lakeshore Drive, getting into town, just slipping on by on LSD, Friday night trouble bound. It's Friday night and you're looking clean, too early to start the round. 10-minute ride from the Gold Coast back makes you show your pleasure bound. And it's 4 o'clock in the morning and all the people have gone away. Just you and your mind at Lakeshore Drive, and tomorrow is another day. And the sun shines fine in the morning time, tomorrow is another day. Like it anywhere I found, running south on Lakeshore Drive, getting into town, and just sneaking on my own LSD, Friday night trouble bound. C'était Aliota Haynes Jeremiah, une formation américaine du début des années 70. Son album Lake Shore de 1971 ainsi que sa plage titulaire que nous venons d'écouter font référence à un grand boulevard qui relie les abords de Chicago au lac Michigan, mieux connu par les habitants du coin sous les initiales LSD. Il ne faut pas y voir aucune allusion à la drogue bien connue. Et voici pour suivre Manfred Mann, Pretty Flamingo. She walks, she moves so fine, like a flamingo. Crimson dress that clings so tight, she's out of reach and out of sight. When she walks by, she brightens up the neighborhood. Oh, every guy would make her his if he just could, if she just would. Some sweet day is where I'll be. Pretty flamingo. Pretty flamingo. When she walks by, she brightens up the neighborhood. If she just would. Some sweet day I'll make her mine, pretty flamingo. Then every guy will envy me, 'cause paradise is where I'll be. Sha-la. That's where you'll find me. Hi, this is Robert Plant. Hi, this is Jimmy Page of Led Zeppelin. This is Angus Young of AC/DC. Hi, this is Kenny Jones. Hi, this is Paul Rodgers. Hi, this is Mick Jones of Foreigner. This is Alice Cooper. Hi, this is Dave Menichetti of Y&T. Hi, this is Gary Moore. Hi, I'm Ian Anderson. Hi, this is David Coverdale, and you're listening to Classic Rock Radio. Et on poursuit avec The Leers, Help Your Hand de 1984. Et voici maintenant les Zombies, Moving On. I'm moving on, like a ship sailing wind blown. Who can say where the rainbow may be found? Take my chance, and I'll sail to tomorrow. I won't shy from this strife. What doesn't kill me will fill me with life. And I'm moving on to my dreams of tomorrow. Thrilled to be wherever my soul may be bound. Who can tell journey may lead me? Who can say where the rainbow may be found? from the strife. What doesn't kill me will fill me with life. And I'm moving on to my dreams of tomorrow. Thrilled to be wherever my soul may be bound. Who can tell where the journey Et bien voilà, c'est avec ce titre Moving On des Zombies que nous avons clôturé notre émission du jour. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Que ces titres, qu'ils soient connus ou un peu oubliés, vous ont rappelé quelques bons souvenirs et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 6 février, lundi 6 février à 9h pour un 18e épisode de notre émission Living in the Past. D'ici là toutefois, n'oubliez pas notre rendez-vous de mercredi. On ne vous a pas tout dit, fort heureusement. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Dans le soleil. À la croisée des hommes sans sommeil, l'enfer est myope autant que le ciel. On t'avait dit que tout se paye. Regarde bien droit dans le soleil. l'acier et les ombres qui marchent.